Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourtet, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit rêvée de Bernard Chambaz. Bonsoir Bernard Chambaz. Bonsoir Alban Penaranda. Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Bernard Chambaz, l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, l'homme grec de Jean-Pierre Vernant, la philosophe Simone Veil, Robert Desnos et Mathieu Bénezet, l'épopée cycliste avec Bartali et Coppi, le vaste monde avec Nicolas Bouvier, Denis Roche et son boîtier de mélancolie et la peinture de Jean-Paul Riopel, c'est en quelque sorte un programme d'archives en forme d'autoportrait que vous nous proposez dans votre nuit rêvée. Les émissions que nous écouterons en votre compagnie seront autant de portes ouvertes sur l'histoire avec un grand H, consubstantielle au travail d'écrivain du professeur d'histoire que vous avez été, des portes ouvertes sur votre roman familial, tissé lui aussi dans la trame de la grande histoire du XXe siècle, ouverte enfin sur votre propre histoire, avec ses passions littéraires et artistiques, avec son amour du sport et des voyages, une histoire avec ses joies et ses blessures. Un autre Éden, c'est le titre de votre dernier livre, un roman entre fiction et réalité, entre ici-bas et l'au-delà, le récit d'un voyage en vélo entre les États-Unis et le Canada à la recherche de Jack London, un récit dans lequel se rencontrent l'auteur de Martin Éden et votre fils Martin disparu accidentellement en 1992. Aux morts pour qu'ils vivent, aux vivants pour qu'ils aiment, c'est cette dédicace de Joseph Delteil, de son livre Les Poilus, que vous avez placé en exergue d'un autre Éden. Au fond, ces mots de Delteil ne pourraient-ils pas être mis en exergue de beaucoup d'autres de vos livres ? Aux morts pour qu'ils vivent, aux vivants pour qu'ils aiment, n'est-ce pas ce qui guide votre écriture ? Oui, je vous remercie. Je pense que cette injonction... Cette double injonction de Delteil, elle décrit la littérature en général, qu'elle c'est au-delà de mes propres livres. Je pense qu'elle vaut pour l'ensemble des livres qui sont écrits, ou en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Je crois qu'elle dit tout. Alors vous l'avez très très justement rappelé, c'était pour Les Poilus. Donc tout le monde comprend que c'est un livre qui traitait des morts de la Première Guerre mondiale et la lisant, cette phrase, je pensais aussi à Blaise Cendrars qui lui en est revenu, mais qu'en est revenu avec un bras en moins, qui en est revenu sans en être revenu. Je pensais aussi à Apollinaire qui l'a faite cette guerre et qui l'a faite assez étonnamment, quasi joyeusement, mais qui n'en est pas revenu tout à fait puisqu'il est mort sinon la guerre, du moins de la grippe espagnole, juste au lendemain. Je pouvais penser aussi à mon grand-père qui en est revenu avec... ça m'a beaucoup frappé quand j'étais petit, quand j'avais une dizaine d'années. Il me l'a montré, je l'ai vu. Il avait un portefeuille. Dans ce portefeuille, il avait tous ses papiers. Il y avait sa plaque militaire et le portefeuille était entamé. Toute la moitié du portefeuille était entamé, les papiers étaient entamés, et la balle a ricoché sur la plaque militaire. Et évidemment, il avait ses papiers sur le cœur, donc on imagine à quel point ça peut être impressionnant. Et en fait, il lit tout dans la mesure où on écrit pour tenter de donner un semblant de vie, de survie à ce qu'on pourrait appeler nos disparus, c'est le premier point. Et le deuxième point, ce que j'ai trouvé très beau et ce qui de toute façon a arrêté mon choix, c'était aussi aux vivants pour qu'ils aiment. C'est-à-dire, on a la chance d'être vivant, on a la chance d'être en vie. Voilà, aimons-nous, pas dans un sens béat, mais et pour qu'ils aiment, c'est pour aimer la vie, c'est aimer les autres, peut-être à partir d'un moment aussi, s'aimer soi-même, dans la mesure du possible. Et voilà, comme par ailleurs, Delteil est un auteur dont j'aime beaucoup certains livres, dont Lafayette, il a fait un Lafayette en 27 qui est assez génial. Et puis j'aime beaucoup l'homme, j'aime les distances, ou la distance, les distances que vous voulez, qu'il a prises avec le milieu littéraire parisien, on pourrait dire le petit milieu littéraire parisien, il est allé s'établir dans les Corbières, et il s'est tenu à l'écart, et il a continué néanmoins, après une période de silence, à écrire des livres qui sont aussi des très beaux livres, comme son Saint-François d'Assise, par exemple. Poésie, essais, romans, récits de voyage, articles, etc. Depuis le début des années 80, vous avez déjà signé une quantité impressionnante de textes. Pourquoi écrivez-vous autant, Bernard Chambaz? Je suppose que ce n'est pas un reproche. Pourquoi j'écris autant, je saurais pas trop le dire. Enfin, c'est peut-être justement parce que je suis encore vivant, parce que je vis et que pour moi, l'écriture est une façon d'être au monde. Que c'est un. Alors après, il y a des grands mots qui appartiennent au vocabulaire de la philosophie, comme le besoin, le désir, etc. J'ai pendant toute une décennie, disons dans les années 80, j'ai essentiellement écrit des poèmes et publié des livres de poésie, plus de petits essais sur la peinture aux éditions La Cétérée, chez mon ami Jacques Clerc, qui était un consacré à Piero La Francesca, l'autre à Véronèse. Voilà, c'était une espèce de joie. Je préfère le mot de joie au mot de jubilation, mais voilà. Une espèce de joie dans ce rapport aux mots, dans ce rapport aux images, dans ce rapport aux êtres. Et puis après, au début des années 90, j'ai écrit un premier roman, et effectivement, j'en ai écrit un certain nombre. Après, j'ai eu beaucoup de chance, et j'en suis conscient, dans la mesure où j'ai reçu aussi des propositions. Certains des livres ont été mes idées sont des idées, des projets que j'ai eus et que j'ai eu la possibilité d'accomplir et de conduire à leur terme. D'autres ont été des propositions. Et par exemple, le dernier en date pour lequel j'ai aussi une faiblesse, un attachement, qui était le beau livre « Le dernier tableau » sur le dernier tableau peint par 100 peintres, voilà, était une commande de mon éditrice du Seuil et amie Nathalie Beau, et que j'ai eu un plaisir immense à réaliser. De la même manière, le livre du centenaire sur le journal L'Humanité était une commande des éditions du Seuil, et j'ai eu aussi un immense plaisir à le faire. Donc quand on a cette possibilité et cette chance, ce serait dommage de la refuser. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io voglio, ma partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io voglio, ma partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire, ma su in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, ti diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, molto per la libertà. Pourquoi avoir voulu entendre ce chant? Pourquoi Bella Ciao et pas le chant des partisans ou l'international, Bernard Chambaz? Parce que j'ai une tendresse toute particulière pour cette chanson, pour ce chant, vous avez raison, c'est un mot qui est plus juste. Essentiellement aussi parce qu'il est italien, parce qu'on y entend, par la langue italienne. Là, vous avez une très belle interprétation. J'en aime une autre aussi, autant où ce sont des voix de femmes. Et bon, cette façon d'entendre aussi la résistance, enfin la résistance italienne, c'est la résistance contre le fascisme, me touche beaucoup. Elle me renvoie aussi à... Je l'ai entendu, y compris dans les... Quand j'ai commencé à voyager seul avec celle que j'appelle mon amoureuse, en Italie, des petits voyages au début, et dans les années 70, l'été, on avait la possibilité de croiser, on voyait régulièrement des fêtes de l'Unita. Et les fêtes de l'Unita en Italie, leur particularité, c'est souvent d'être des fêtes locales, des fêtes de village, des fêtes de ville ou de région. Et dans ces fêtes, on avait l'occasion d'entendre cette chanson. C'est avec Svetlana Alexievitch, à propos de son livre « La fin de l'homme rouge », que s'ouvrira le programme de votre nuit rêvée. Elle était l'invitée de la Grande Table en 2013. Pourquoi Svetlana Alexievitch et pourquoi précisément à propos de son livre « La fin de l'homme rouge » ? Parce que c'est probablement un des plus beaux livres que j'ai lus au XXIe siècle. En tout cas, un de ceux qui m'ont le plus... à la fois transporté et bouleversé. C'est d'autant plus étrange que c'est un livre dans lequel il y a une intrigue, bien sûr, hein, qui est la fin de l'homme rouge, mais il n'y a aucun suspense. Je dirais, on sait ce qu'il y a au début, au milieu et à la fin. C'est un livre qui est très répétitif, et c'est un livre qui est en même temps magnifique et splendide par des portraits d'hommes, de femmes, de tous âges, qui sont, alors je ne sais pas comment les appeler, qui sont à la fois des soviétiques et des russes, c'est-à-dire qui ont été des soviétiques et qui sont des russes, qui ont traversé cette histoire quand même de toute façon, et quoi qu'on en pense, assez exceptionnelle. Et elle a, alors, je suis pas un partisan invétéré de la nouveauté, c'est-à-dire je pense pas que nous soyons toujours obligés à essayer de faire quelque chose de nouveau et de neuf. Elle y est quand même parvenue. Elle a inventé quelque chose. Certains peuvent juger que c'est modeste. Moi, je pense que, modeste ou pas, c'est extrêmement réussi. C'était extrêmement ambitieux d'une certaine façon. Elle a vraiment sauté dans le vide. Donc, ce qu'elle a fait, c'est elle s'est entretenue avec des hommes et des femmes. Elle a parlé longtemps avec eux. Elle a pris des notes. Je suppose qu'elle a enregistré. Et après, avec toute cette conversation, elle a un peu concassé tout ça. Et elle a créé une langue. Et fait aussi de toutes petites histoires. Vous disiez au début, vous parliez de l'histoire avec un grand H, mais vous laissiez entendre aussi que cette histoire avec un grand H, elle se faisait, elle était complémentaire de toutes les histoires avec des petits H, avec des H minuscules, enfin toutes ces vies minuscules, et elle les rend merveilleusement bien, c'est-à-dire à la fois dans leur dimension tragique, dans leur dimension parfois comique, dans leur dimension profondément humaine et attachante, et on voit passer beaucoup de fleurs, par exemple, de bouquets de fleurs. Ce qui m'a toujours touché en Russie, c'est cet amour des Russes pour les fleurs, pour les bouquets de fleurs. Et pensant à Svetlana Alexievitch, et quand vous m'avez demandé de choisir, j'ai pensé tout de suite à elle. Et pensant à elle, je pense aux bouquets de fleurs. Il n'y a plus d'Empire rouge, mais l'homme rouge, lui, est toujours là. Il continue à exister. C'est ce que disait Svetlana Alexievitch dans son discours du Nobel. Vous avez écrit un livre, un roman sur ou à propos ou autour de Vladimir Poutine, un livre qui est au fond un morceau d'histoire de l'URSS et de la Russie. Pensez-vous, vous aussi, que l'homme rouge soit toujours là dans la Russie de Poutine ? Alors, je ne sais pas comment il faut l'entendre. L'homme rouge l'homme rouge en soi, non, je pense que l'homme rouge a disparu. Je pense que le titre de Svetlana, La fin de l'homme rouge, est d'abord c'est un très beau titre et en plus il est très judicieux. Bon, il reste, si on veut, il reste des hommes rouges qui ont été des hommes d'appareil et qui sont toujours en vie. Mais l'Union soviétique a disparu il y a maintenant presque 30 ans. Voilà, ces hommes-là doivent être au moins octogénaires. Et une fois qu'ils auront disparu, je pense que l'homme rouge aura pour de bon disparu. Ce qui ne veut, alors après, Poutine, c'est encore une fois, c'est autre chose. Les oligarques, c'est autre chose. La vie politique russe, c'est une autre dimension. Mais je pense, et là, je suis retourné encore en Russie l'été dernier, enfin l'hiver et l'été dernier, deux fois. Et c'est le, je suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai pu ressentir. La Russie d'aujourd'hui, c'est normal aussi, c'est naturel, je veux dire, elle est liée à la Russie d'hier, et à partir du moment où la Russie d'hier a été soviétique et qu'elle l'a été pendant 75 ans, il en reste évidemment des traces. Mais je pense que j'ai été frappé aussi dans ces voyages par le fait que l'homme rouge, ou disons l'homo soviéticus, donner une dimension préhistorique, commence d'une certaine manière à appartenir à ce qu'on pourrait appeler un folklore. J'ai été... il y a une dimension qui est sans doute un peu inquiétante, qui est quand on voit que certains jeunes ont cru à un moment que le nom de Goulag, c'était le nom d'un groupe de rock. C'est pas une bonne nouvelle. Cela dit, il y a peut-être un groupe de rock qui s'appelle Goulag aussi. Quand on voit aujourd'hui des jeunes se promener avec, alors ça peut être des t-shirts par exemple sur lesquels il y a les fameuses lettres, enfin SSSR, enfin URSS, ou un portrait de Lénine. Mais on n'est pas dans la nostalgie, surtout avec des gamins de 20 ans. Et souvent, alors c'est pas un Lénine qui sera Lénine, c'est par exemple c'est un Lénine qui sera peint par Andy Warhol. Ce sera un Lénine pop art. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retournement de ce rapport à l'homme rouge. Donc après, il y a Lana Alexievitch, elle est biélorusse, elle est confrontée à une situation politique dur et compliqué en Biélorussie, sans doute encore plus qu'en Russie et en Russie. Voilà, je comprends qu'elle tienne ses propos, mais je pense que l'homme russe a aujourd'hui recouvré toute sa dimension et que l'homme rouge ou l'homme soviétique n'est plus qu'une petite part de cet homme russe-là. Bernard Chambaz, votre père Jacques Chambaz, était une personnalité importante du Parti communiste dont il fut membre du bureau politique. Vos grands-parents maternels, Jacques et Jeanne Kayser, grands résistants, n'étaient pas vraiment en odeur de sainteté auprès du parti. Serait-il exagéré de dire que le communisme est le centre de gravité de votre histoire familiale ? Oui, il l'a été. Il l'a été longtemps. Par mes parents, parce que mon père et ma mère l'étaient, j'ai grandi dans ce milieu-là. Il y a un film d'ailleurs plus tard à ce titre drôle, ce qui était Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. C'est vrai, c'est pas vrai. Après, je pense qu'on a tous des enfances différentes, qu'elles ont tous leur côté merveilleux, leur côté pénible et leur zone d'ombre. Oui, moi j'ai grandi là-dedans, c'est évident. Justement, là, on parlait de l'homme rouge, un des disques que j'ai le plus écouté dans mon adolescence. C'était un Pleine au ma Pleine, qui était les chœurs de l'armée rouge, mais j'écoutais ça quand j'écoutais pas les Compagnons de la Chanson, ou Eddie Mitchell, ce qui prouve voilà que l'éventail était quand même assez large. Ensuite, j'appartiens à une génération même si elle commence à avoir de l'âge, ma génération, mais j'appartiens à une génération qui est née après ce qu'on appelle le stalinisme. C'est-à-dire qui se sent, peut-être à tort ou à raison, un peu dégagé de cette responsabilité historique écrasante. Et donc c'est sans doute là la limite que je peux poser. Et puis, il y a eu d'autres centres de gravité dans mon enfance, à part le communisme. Il y a eu le sport, le football, le cyclisme, la littérature. Il y a eu l'amour. Donc je dirais que les centres de gravité ont été multiples. Diriez-vous, j'ai eu une éducation communiste, comme d'autres disent, j'ai eu une éducation catholique? Oui, je pense qu'on pourrait le dire. Je pense que c'est assez... Non, c'est assez juste à une nuance près. C'est que ceux qui ont une éducation catholique allaient souvent dans des collèges de, je sais pas, mettons, de jésuites. C'était quand même les plus nombreux et les meilleurs. Moi, j'allais pas dans un collège rouge. J'allais dans l'école publique, à l'école primaire, puis au lycée. Donc, ça fait déjà une première différence. Après, il y en a une seconde, c'est que l'éducation catholique, c'est une éducation rigoureuse et rationnelle, qui repose notamment sur le catéchisme, entre autres, et sur l'apprentissage de la Bible, de l'histoire des religions. Une éducation communiste, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que parfois on parle d'un catéchisme communiste, mais c'est pas la même chose. C'est un catéchisme, je dirais, pour adultes, c'est pas un catéchisme pour enfants ou pour adolescents. Et que il y avait absolument pas l'équivalent de ce qu'il pouvait y avoir pour de jeunes garçons catholiques. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on pourrait presque les envier. En 2004, pour le centenaire du journal L'Humanité, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez signé un livre qui retraçait l'histoire du journal. Pour l'écrire, vous êtes plongé dans des milliers de numéros de L'Humanité. Vous avez dit que ce travail vous avait permis de mieux comprendre d'où vous veniez. Oui, ça a été une chance extraordinaire, parce que ça a été une plongée. C'est un des très beaux souvenirs, à la fois intellectuels et physiques, de ma vie. C'est rigolo parce que, sans vouloir tout mêler, ça a tout à fait succédé aux mois pendant lesquels j'ai préparé, fait et écrit le livre sur le Tour de France. Donc j'ai enchaîné le Tour de France et le centenaire de l'Humanité. Et c'était, il y avait une dimension physique, parce que j'étais professeur de lycée à l'époque, donc j'enseignais quand même mes 14 heures par semaine. Et dès que j'avais fini, j'allais aux archives, je travaillais sur les archives. C'est-à-dire j'ai dépouillé, je m'entends, je suis pas un historien professionnel, je suis professeur d'histoire, j'ai écrit des livres d'histoire, c'est pas la même chose. J'ai trop de respect pour l'histoire, et notamment l'histoire universitaire, pour me considérer vraiment comme un historien. Cela dit, j'étais vraiment dans les archives, donc l'auditeur n'a pas de mal à imaginer. C'est un quotidien, ça commence en 1904, je suis allé jusqu'en 2004, donc ça fait, en enlevant les dimanches, ça fait à peu près 300 numéros par an pendant 100 ans. Au début, c'est une feuille de chou, hein, c'est pas 4-6 pages, et puis ça se feuillette vite. Après, c'est pour arriver à trouver quelque chose. Enfin, tout était intéressant, mais pour arriver à faire une espèce de choix intuitif de ce qui pouvait aller nourrir le livre, il faut passer à la fois vite, avoir un œil qui va vite, si je puis dire, et puis un œil qui va plus lentement. Donc en gros, il faut loucher pour faire ce type d'histoire. Et j'en ai un souvenir merveilleux. J'ai mieux compris aussi y compris pour des périodes plus noir de l'histoire du journal L'Humanité et de l'histoire du Parti communiste. Et pour moi, les périodes les plus noires, ou la période la plus noire, c'est vraiment les années 48-53 ou 48-56, j'en ai dit quelques mots, enfin un peu plus que quelques mots, quelques phrases, mais qui sont passées d'ailleurs largement inaperçu. Et dans cette lecture des 100 ans de l'humanité, quelles sont les lignes qui conservent encore leur grandeur ? Certainement déjà les éditoriaux de Jaurès et tout l'apport de Jaurès, qui a quand même été le premier directeur de fondateur et premier directeur de l'humanité, avec cette humanité, enfin, sans jeu de mots et un jeu de mots, cet humanisme qui le portait, y compris cette connaissance du latin et du grec, et cette connaissance de l'histoire et de la géographie de la terre française. Et du travail, il était député de Carmaux, donc enfin tout ce qui, évidemment, c'est facile à dire, mais tout ce qui est en rapport avec Jaurès, donc évidemment avant 14, ça fait partie des pages glorieuses de ce journal. Après, dans les années 20 et 30, entre les deux guerres, on en trouve aussi à la fois une personnalité peut-être plus controversée, Paul Vaillant-Couturier, mais qui en a été le rédacteur en chef, où il y a des intuitions, il y a des fulgurances, y compris dans cette espèce d'amour aveugle ou ébloui, comme on voudra, pour l'URSS, mais pour l'URSS quand elle commence à se construire, qui sont vraiment fortes. Ensuite, ce que je retiens, c'est peut-être plus dans les plus tard, dans les années 70, et peut-être encore dans les années 80. C'est-à-dire un moment pourtant où le Parti communiste perd son influence, où la crise est ouverte entre le Parti communiste et ses intellectuels. Il y a des articles de littérature, de cinéma, de sport, qui sont de grandes pages du journaliste. Mais il y a aussi des grands reportages qui sont des beaux moments. Alors, et parfois il y a des trucs drôles ou drôlatiques, mais oui, il y a quelque chose dans il y a aussi, par exemple, je m'étais arrêté parce que c'était marrant comme tout, sur le premier vol de Gagarine, enfin tout ce qui tournait autour de Gagarine, de ce vol dans l'espace de cosmonautes, bon, donnait lieu à des pages, à une espèce de lyrisme absolument extraordinaire. Bernard Chambaze, après L'homme rouge de Svetlana Alexievitch, c'est avec L'homme grec de Jean-Pierre Vernant que se poursuivra le programme de Votre nuit rêvée. Nous l'entendrons au micro de Gilles Lapouge dans Agora en 1994. Jean-Pierre Vernant, grande figure de la résistance, communiste, divorcé du parti en 69-70. Jean-Pierre Vernant, l'universitaire, historien, helléniste, et c'est celui-là que vous avez voulu entendre. Oui, parce que alors le choix, enfin j'ai vraiment une vraie passion pour l'histoire, et on pourrait prendre, vous savez, on a appris l'histoire, enfin à mon époque il y avait l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine. Donc il fallait que je choisisse, et j'aurais bien pris Le Goff pour le Moyen-Âge, Goubert pour les temps modernes, Agulon pour l'époque contemporaine, qui ont été des grands maîtres. Il y a chez Vernant, enfin, mon choix de Vernant s'explique pour deux raisons. D'abord, pour l'amour que j'ai eu quand je l'ai découverte pour l'histoire ancienne et essentiellement pour l'histoire grecque. Parce que, d'ailleurs, il se trouve que j'ai même pas fait du tout d'histoire romaine dans mes études. L'histoire grecque, et c'était quelque chose d'assez merveilleux. Et les travaux de Vernant commençaient à être connus. Et il y avait déjà des grands livres d'histoire grecque, il y avait déjà des grands historiens de la Grèce ancienne, mais d'une certaine manière, il a un peu, je dirais, dépoussiéré ce qu'il pouvait y avoir de poussiéreux dans les études grecques. Et avec son ouverture, suite d'ailleurs aux travaux de son propre maître Louis Gernet, vers l'anthropologie historique, avec sa formation de philosophe, avec son goût de la philologie, il y a eu des avancées dans la connaissance et dans la compréhension de l'histoire grecque et de la littérature grecque qui m'ont totalement emballé. En plus, ce qui me plaît chez Vernant, c'est aussi Je suis pas particulièrement doué pour ça, mais lui, il a été, c'est pour le caractère collectif du travail. Il a fait des bouquins. L'homme grec est d'ailleurs un ouvrage collectif. Oui, il a fait des bouquins magnifiques avec Vidal Naquet, il a fait des bouquins magnifiques avec Marcel Détienne, avec d'autres encore, avec des, où il a été aussi le directeur de collection, peut-être d'un certain nombre de livres, qui ont fait école, peut-être sans faire école. La raison aussi, c'est, quand j'ai choisi Verlan, j'ai tout de suite pensé Maspero. Et c'était une façon, une pierre de coup, de rendre hommage à la fois à Verlan et à Maspero. Parce que Maspero a été un libraire, éditeur, écrivain, homme exceptionnel auquel on ne rendra jamais assez hommage. Et c'est lui qui a accueilli les premiers travaux, les premiers livres de Verlan, en tout cas, qui a permis à Verlan d'avoir ce public dont j'ai été. Ça correspondait aussi à mes années d'études à la Sorbonne, donc la petite librairie qui était sur le square Paul Painlevé. Et voilà, il y a une espèce de galaxie Verlan Maspero à laquelle je suis heureux de rendre hommage. Et puis Verlan, ce qui m'a toujours beaucoup touché, c'est enfin le fait qu'il a été résistant. Je ne veux pas recommencer avec ce que j'ai déjà fait une fois à la radio avec Sartre. Ça ne se fait pas de dire du mal de Sartre. Et bon, Sartre avait d'éminentes qualités. Ceci dit, Sartre n'a pas résisté. Et de la même manière, entre Sartre et Camus, voilà, Sartre a dit, mais sur le tard, qu'il aimait le football, mais il s'en est toujours caché. Bon, Camus, lui, il l'a assumé. Verlan, lui, il a résisté. Et il, surtout, il l'explique merveilleusement bien. C'est-à-dire, il dit à la fois, rien ne nous y obligeait, rien ne m'y obligeait. D'ailleurs, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il était, bon, ceci peut-être aussi contribue à expliquer cela, il était plus jeune que Sartre, hein, il devait avoir une dizaine d'années de moins, 9 ans de moins. Donc il avait, lui, il a en 40, il doit avoir 26 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a rien de nous y obliger, mais je choisis en mon âme et conscience. Et en plus, il le dit, donc j'aime bien cette idée de choix, qui est quand même le principe même de la liberté. D'ailleurs, je reconnais à Sartre qu'il a choisi, lui aussi, de ne pas résister. En tout cas, de ne pas entrer dans la résistance. Et puis, il le fait avec une comparaison qui, là aussi, me convainc. C'est-à-dire, modestement, évidemment, bien sûr, mais il se compare quand même à Achille. C'est-à-dire qu'il remet l'entrée dans la résistance, voilà, sur le modèle d'Achille qui part à la guerre de Troie, c'est-à-dire la prise de risque d'une mort jeune, enfin la gloire d'une mort jeune. C'est bon, alors ce qui est évidemment heureux, plus heureux pour Verlan que pour Achille, c'est que Verlan aura été un grand résistant, un commandant des FFI dans le sud-ouest, et qu'il aura eu il aura connu une gloire en tant qu'historien vieux, puisque d'ailleurs ce qu'on va entendre, il a 80 ans, il continue encore à faire des livres, lui aussi il en a fait beaucoup. Et des conférences, et puis il a fait ce très beau livre qui a eu un grand succès, c'était le livre qu'il a écrit sur les mythes grecs ou les dieux grecs. C'était en fait qu'il a mis en livre les histoires qu'il racontait à son petit-fils pour l'endormir. Et ce rapport de grand-père à petit-fils est aussi quelque chose qui m'avait infiniment touché. Historien vous-même, vous avez enseigné l'histoire et vous dites qu'elle irradie tout ce que vous écrivez. Est-ce par crainte que les choses ne s'évanouissent dans le souci de sauver quelque chose de précieux de l'oubli que vous avez enseigné l'histoire et qu'elle est au centre, au cœur de ce que vous écrivez ? Oui, c'est le fait que j'ai choisi l'histoire, plus j'avance en âge, plus je m'en rends compte, parce que j'ai un... j'ai un goût immodéré pour ce qu'on appelle cette discipline. C'est-à-dire que tout me plaît. C'est pire que les gâteaux à la crème, quoi. Tout me fait envie. Dans chaque siècle, même les siècles obscurs du Moyen-Âge, si on commence à regarder, si on commence à entrer dans un livre qui est bien fait, on est tout de suite pris, on a tout de suite envie d'en savoir davantage, on se projette dans cette espèce d'horizon. Ça, c'est une certitude. Après, j'avais commencé par des études de philosophie, et puis j'ai fait des études d'histoire avec progressivement l'idée d'écrire des livres, parce que ce qui me plaisait, c'était la littérature. Donc, je dirais que l'histoire est une espèce de peut-être de fil à plomb entre la philosophie et la littérature. Et en tout cas, elle reste, je le disais à l'instant, quoi, à mes yeux, la plus belle des disciplines. Et je suis heureux quand de temps en temps, je peux avoir l'occasion de, je rencontre pas souvent des écrivains, mais ça m'arrive parfois. Parmi les écrivains, il peut y avoir des professeurs de français. Et dans ce cas-là, j'aime bien les taquiner en les plaignant d'avoir enseigné le français, parce que je trouve que l'enseignement de l'histoire a été d'une richesse. En tout cas, moi, j'en ai été extrêmement heureux. Après Jean-Pierre Vernant, c'est avec une émission consacrée à la philosophe Simone Veil que se poursuivra votre programme d'archives. Il s'agira du premier temps d'une série des Chemins de la connaissance que lui consacrait Marie-Christine Navarro en 1989. Un premier volet intitulé « Penser, agir, vivre, un même élan ». Pourquoi Simone Veil ? Pour l'engagement ? Pour sa farouche volonté d'accorder sa pensée à l'action ? Vous le dites très bien. Je me suis aperçu après coup que Simone Veil était en quelque sorte la petite sœur de Vernant, c'est-à-dire voilà. Mais au-delà de Vernant, elle me touche beaucoup aussi pour son itinéraire. Et il y a chez elle une dimension qu'il n'y a pas chez Vernant et qui est assez exceptionnelle. Pour moi, c'est peut-être, en plus c'est une femme, et c'est peut-être une des toutes plus belles figures du XXe siècle. Enfin, voilà, vous me le demandez pas, mais par exemple, quand on me demande si, voilà, pour moi la plus belle figure du XXe siècle, c'est peut-être Nelson Mandela. On va faire comme aux Oscars, quoi, chez les hommes, et chez les femmes, c'est peut-être Simone Veil. Et parce que elle est originaire d'une famille juive, mais totalement laïque, et je trouve que c'est toujours une bonne chose de rappeler que les juifs a priori et au départ sont laïcs. Enfin, c'est en tout cas pour beaucoup de familles. Elle, c'était son cas, elle a pas manqué de le rappeler. Après, elle s'est convertie, on le verra, au catholicisme. Mais il y a déjà ce premier milieu dans lequel elle grandit. Après, elle, dans ses études, donc elle fait des études de philo, elle est nommée, si ma mémoire est bonne, au lycée du Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, on le voit encore aujourd'hui. C'est pas n'importe quelle ville, avec une drôle de cathédrale et puis une géographie tout autour qui est rude. Et elle, très vite, je crois, après un an, quelque chose comme ça, d'enseignement, il y a des grèves et elle se sent solidaire des grévistes. Et donc, elle va donner une partie de son salaire au comité de grève, et puis ça lui suffit pas. C'est-à-dire, cet engagement-là, pour reprendre votre terme, ne lui suffit pas. Il faut, et ça c'est rarissime, il faut un engagement entier, c'est-à-dire c'est une fille d'une, pareil que le mot existe, je l'aime pas, mais d'une entièreté, enfin, ou d'une intégrité totale, absolue. Et donc elle va aussi entrer à l'usine après, donc elle va revenir dans la région parisienne, elle va entrer à l'usine, elle va vivre la vie des ouvriers pour voir ce que ça représente. Et parallèlement, elle va continuer à penser, puisque c'est aussi sa formation de philosophe. Là-dessus, alors, ce qui m'attache aussi à elle, ça je l'avais découvert en travaillant il y a une dizaine d'années sur cette question qui n'a pas fait de livre, mais à laquelle je m'étais beaucoup intéressé, qui était la question de la guerre d'Espagne. Donc elle part en Espagne au moment de la guerre civile en 36 et elle s'engage dans les brigades internationales et elle est dans la fameuse colonne où il y a Durruti et elle en rapporte un témoignage extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'à la fois elle est foncièrement du côté des républicains espagnols et en même temps elle est horrifiée, affligée, peut-être plus qu'horrifiée, je dirais, par la barbarie, ce qu'elle appelle elle-même, y compris la barbarie du côté républicain, c'est-à-dire le fait que des types qui peuvent être adorables par ailleurs, consentent à laisser fusiller un jeune garçon phalangiste. Et voilà, c'est une des raisons aussi pour lesquelles elle prend ses distances avec les républicains espagnols. Après, les auditeurs le savent sûrement aussi, enfin, c'est son engagement dans la résistance. Elle va à Londres et là, elle rencontre Maurice Schumann. Que nous entendrons dans l'archive. Et le général de Gaulle, que nous n'entendrons pas. Non. Elle a 32, 33 ans, et elle les assomme, elle veut absolument être envoyée en France en mission, et eux, ils disent c'est pas possible, elle est trop fragile, enfin, je veux dire, en plus, elle est juive, elle est trop faible, bon, avec peut-être une pincée de misogynie assez classique à l'époque, il refuse de l'envoyer, elle en est affectée, et puis, oui, la dernière chose qui est assez triste, on dit parfois qu'elle s'est laissée mourir. Une des grandes spécialistes de Simone Veil a trouvé des témoignages ou des archives, je ne sais plus, à Londres, dans l'hôpital dans lequel elle était, peut-être d'infirmières, qui disent le contraire. Elle ne s'est pas laisser mourir, elle est morte très jeune et c'est très triste. Mais je pense qu'il faut dire, et on revient un peu à notre point de départ, Delteil, la vie est trop belle, elle est trop forte, on n'en a qu'une, voilà, pour se laisser mourir ou pour se suicider. Et quand je vous ai dit Simone Veil, c'est sans doute à tout ça que je pensais. Alors, je pensais aussi, il y a sans doute le livre d'elle le plus connu, il a ce titre magnifique, qui est La pesanteur ou la grâce, mais qui est une espèce de faux titre, parce que c'est, premièrement, c'est pas elle qui l'a donné, parce que c'est un recueil de textes ou d'articles. Qui a été publié après sa mort par un de ses amis, et que deuxièmement, dans cette espèce de dilemme d'opposition, enfin la pesanteur ou la grâce, on n'entend pas ce qui est resté aussi jusqu'à la fin, comme je le disais tout à l'heure pour Vernant, le fond de sa pensée et le fond des choses, c'est-à-dire notre pouvoir de liberté. Et la liberté, effectivement, on l'entend pas dans La pesanteur ou la grâce. Et Simone Veil, ça reste fondamentalement pour moi une des plus belles images, je l'ai dit, de la liberté, de l'exercice de la liberté, de la pensée de la liberté au XXe siècle, et encore une fois par une jeune femme qui est morte à peine plus de 33 ans. Bernard Chambaz, c'est avec Robert Desnos que se terminera la première partie de votre programme, plus exactement avec une émission de Mathieu Bénézet sur Robert Desnos dans Surpris par la nuit en 2007. Vous avez été très touché, je crois, d'entendre la voix de Mathieu Bénézet, une voix que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Écrivain, éditeur, homme de radio, il est pour vous le plus grand poète de ceux qui sont nés après-guerre. Oui, absolument. Mathieu, alors je dis pas ça parce que Mathieu a été aussi mon ami, très très fidèle et très proche. Il en a eu beaucoup d'autres, mais enfin, bon, j'ai eu cette amitié avec lui, très profonde. Et il est pour moi, je vous remercie de le rappeler, le plus grand poète français de né après la guerre. Il y a des livres de lui qui sont des recueils que les auditeurs peuvent trouver dans la collection qui est devenue, enfin, la collection d'Yves Dimano chez Flammarion. Donc, un livre qui s'appelle Détails apostilles ou le dernier aussi, Dernier crayon. D'autres encore qui sont très beaux. Et j'étais, oui, c'est une voix très particulière que les auditeurs de France Culture connaissent bien d'ailleurs. Et j'étais très, très touché de l'entendre. Et je suis très touché aussi je suis content de l'avoir lié à Desnos parce que, voilà, je dirais que dans des registres totalement différents, si Mathieu et Bénézet est le grand poète de la deuxième moitié du XXe, Desnos est peut-être aussi celui de la première moitié, avec Apollinaire, qu'on peut évidemment pas oublier. Robert Desnos, autodidacte, touche à tout et enthousiaste, le dessin, curieux de tout, vivant pleinement son temps, le cinéma, la musique, l'engagement politique. J'imagine qu'indépendamment de la poésie, cet aspect-là du personnage avait tout pour vous plaire, Bernard Chambaz. Oui, c'était... vous êtes perspicace, intuitive. Oui, j'adore, c'est pareil, je le disais un peu de Delteil, mais c'était autre chose, parce que Delteil était dans les Corbières, Desnos est resté à Paris. Voilà, c'est un type avec qui j'aurais été copain. Je peux vous dire, je ne veux pas le dire là, mais puis ça n'a pas sans doute d'intérêt, mais tous ceux avec lesquels j'aurais pas été copain, et qui auraient d'ailleurs certainement eu aucun plaisir à être copain avec moi, mais voilà, Desnos, je suis sûr et certain que ça aurait été un très bon copain. Il a une simplicité, une tendresse, une fidélité, une drôlerie. Il était très brillant aussi, on le sous-estime un peu. Il a cet éventail si large. Je veux dire, c'est quand même un des premiers à faire des publicités chantées, quoi. C'est pour la radio, justement. Voilà, c'était tout est dit. Bernard Chambaz, sans du tout sous-entendre que vous n'êtes pas de votre temps, peut-on dire que vous êtes fondamentalement un écrivain du XXe siècle, un écrivain de l'histoire et de la mémoire du siècle dernier ? Oui, bah c'est déjà gentil de le dire. Oui, je pense, c'est drôle que vous disiez ça, parce que c'est justement... En ce moment, enfin, c'est une des questions que je me pose, à la fois par rapport au livre, dernier roman que je viens de publier, par rapport à ceux que j'ai entamés ou projetés, et qui donc des questions qui recouvrent, voilà, cette question centrale que vous soulevez. Je ressens la traction du XXe siècle, comme je ressens d'ailleurs aussi celle du XIXe, et je le disais des siècles précédents, puisque je suis prêt à remonter jusqu'à Mycène. Mais il n'y a pas de ma part de nostalgie du tout. Et je pense que le présent, bon, tout le monde, c'est enfoncer une porte ouverte, mais hein, c'est un lieu commun de dire que les trois temps sont emmêlés, présent, passé et futur. Mais je crois que même le futur qui m'intéresse et qui nous intéresse tous et qui nous concerne tous, il est forcément tissé de passé et de beaucoup de passé. Et que là encore, c'est un lieu commun, voire une banalité, mais que notre confrontation avec le passé, elle est faite un pour le présent et d'une certaine manière pour le futur aussi. Et on a encore quelque chose à transmettre. Et voilà, même quand on est un homme du passé, on est un homme du passé qui, d'une manière ou d'une autre, essaye de regarder dans le futur. Merci Bernard Chambaz. Nous allons écouter les archives de la première partie de Votre nuit rêvée. Dans un instant, Svetlana Alexievitch à propos de son livre La fin de l'homme rouge, invité de la grande table de Caroline Rouet en 2013. Jean-Pierre Vernant pour L'homme grec dans Agora de Gilles Lapouge en 1994. Penser, agir, vivre un même élan, le premier temps de Simone Veil ou Les Métamorphoses, une série de chemins de la connaissance proposée par Marie-Christine Navarro en 1989. Et Reconnaissance à Robert Desnos par Mathieu Bénézet dans Surpris par la nuit en 2007. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 3 heures pour parler de la suite de votre programme. À tout à l'heure, Bernard Chambaz. À tout à l'heure.